misère pour moi voler, pas misère pour moi partir, pas misère pour moi aller bien plus loin. Pas chimbé, moi t'es pas comprendre.